La série que vous allez écouter a été créée pour fêter les 90 ans de la brique Lego. À la recherche. Épisode 4, le grand final. L'horrible Brownie a bien failli réussir à voler la seconde partie de la grande notice au nez et à la barbe de Mila, Gabriel et Gustave. Fort heureusement, il a échoué et dans son malheur, il a laissé derrière lui un carnet de notes indiquant où se trouve le dernier morceau, dans son QG à Legoville. Dans les rues de Legoville, les feux rouges changent de couleur sans prévenir, les bornes incendies arrosent les passants et les haut-parleurs crachent de la musique à n'importe quel moment. Au milieu de ce désordre habituel, personne ne prête attention aux trois compères dissimulés derrière un journal. Assis sur un banc, Mila, Gabriel et Gustave surveillent un immeuble gigantesque, celui dans lequel se trouve Lord Brownie. Ils ont beau se demander comment entrer sans se faire remarquer, il n'y a rien à faire. L'endroit est une vraie forteresse. Dépité, il s'apprête à partir quand Gabriel voit une photo sur la couverture du journal. Hé, hey, c'est qui ces trois ours ? La grande diva Caterina Caspieta, accompagnée de son neveu et de sa nièce, est à Legoville pour une série de représentations des noces de Figaro de Mozart. Ah, intéressant ! Frangin, quelque chose me dit que tu penses à un truc. Par la grande hibernation. Dans quoi vous allez encore m'embarquer ? Mila et Gabriel prennent Gustave par la patte et l'entraînent dans une boutique de vêtements. Quand l'ours ressort de la cabine d'essayage, il porte un grand chapeau, une robe magnifique et des gants de velours qui recouvrent ses griffes. C'est fou ! Tu ressembles comme deux boules de poils à Caterina Caspieta. Je suis pas bien sûr de votre plan. Mais si ! Si une star comme Caspieta demande à le voir... Lord Brownie sera tellement flatté qu'il acceptera. Et on pourra rentrer sans problème. Allez, en route ! Hé, hey, une minute. Ça ne marchera que si vous aussi, vous faites un petit effort vestimentaire. Lorsque Gustave pénètre dans le hall luxueux de l'immeuble, il est accompagné de deux oursons bien empotés. Sous leur déguisement, Mila et Gabriel meurent de chaud. Tout chancelant sur ses bottines à talons, Gustave s'approche de l'homme à l'accueil. Le regard fixé sur un écran, celui-ci ne daigne même pas lever la tête. C'est pourquoi ? Je souhaite voir Monsieur Brownie. Vous êtes ma hante. Lord Brownie ne reçoit pas d'inconnus. Ah, bon, d'accord. Insiste, t'es une grande diva, oui ou non ? T'as raison. Non, mais vous savez qui je suis ? Caterina Caspieta, la plus grande cantatrice du monde. Alors, il exige de voir votre plateau, immédiatement. Navré, madame, je vous avais pas reconnu, je ne suis qu'un sombre vermisseau. Oh, veuillez monter jusqu'au dernier étage. Je préviens Lord Brownie de votre arrivée. Sans un regard pour l'homme qui leur fait une courbette, le trio entre dans l'ascenseur. Lorsque les portes se referment, ils éclatent de rire en repensant à la mine déconfite du réceptionniste. Ils rigolent tellement qu'ils ne remarquent même pas qu'ils sont déjà arrivés. Ce n'est qu'en essuyant leurs larmes de rire qu'ils voient Lord Brownie les dévisager d'un air sévère. Deux colosses sont plantés derrière lui. Sans rien dire, l'archéologue continue de les scruter avant de leur adresser un sourire hypocrite. Madame Caspieta, quel honneur de vous recevoir ici. Après avoir déposé un baiser baveux sur la patte gantée de Gustave, Brownie les guide jusqu'à une pièce au mobilier hors de prix. Contre les murs, des étagères allant du sol au plafond accueillent des tas de reliques. Des couronnes, des miroirs, des livres, des statues et des bijoux, il y en a partout. Mila cherche la notice des yeux, mais elle n'est pas là. Installez-vous, je vous prie, alors que me vaut le plaisir de cette visite ? Ça cueillait à vous dire est extrêmement confidentiel. Donc, si vous pouviez dire à vos hommes de débarrasser le plancher. Oh, ne vous inquiétez pas, ils sont bris comme des briques. Dans ce cas, il y avait devoir vous laisser. Non, attendez. Johnny, John, sortez. Oh, dites-moi tout, quelle est cette petite cachotterie? Voyez-vous, des connaissances ont placé mon certifié que vous étiez en possession d'une partie d'un parchemin très ancien que l'on nomme la Grande Notice. Amatrice d'histoire, j'aimerais mettre la patte dessous. Ah, je vois. Malheureusement, vous allez être déçue, chère madame. Je n'ai pas ce précieux parchemin. Écoutez, monsieur Brownie, je pense pouvoir vous faire une proposition que vous ne pourrez refuser. Gustave attrape un bout de papier et un stylo dans son sac à main. Dessus, il griffonne une série de chiffres qui s'allongent en même temps que les yeux de Brownie s'écarquillent. Voici. Je vais aller chercher. Brownie se lève de son siège quand la sonnerie du téléphone retentit. Agacé, l'archéologue décroche. Au fur et à mesure de la discussion, son visage se transforme. Lorsqu'il repose le combiné, il est aussi pâle que la lune et un rictus agite ses lèvres. Puis il esquisse un sourire à terrifier un requin. Johnny ? John ? Les hommes de main surgissent dans le bureau. Lord Brownie attrape une télécommande et la pointe vers la télé à l'autre bout de la pièce. Sur la première chaîne, la diva Caspietta donne une interview en direct. La mâchoire de Gabriel se décroche. Gustave soupire, tandis que Mila se frappe le front. Lord Brownie les dévisage et remarque alors qu'une oreille du déguisement de Mila s'est décrochée. L'archéologue se jette sur elle et lui arrache son masque d'ourson. Vous ? Vous êtes les trois enquiquineurs de la forêt de Myriade et de l'île de Maladon. Oh, Mila, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'action ! Gabriel sort son aéroskate et saute dessus pour foncer vers l'archéologue. Gustave déchire sa robe en poussant un rugissement féroce. Les hommes de Brownie sont pétrifiés. D'un coup d'épaule, l'ours les envoie valdinguer, attrape les enfants et s'enfuit. Secouez-vous, bande d'empotés! Ils sont le reste de la Grande Notice! Les trois amis plongent alors sous un bureau. Gabriel le démonte pour le combiner avec une chaise à roulettes. Son plan? Faire un maxi-bélier. De son côté, Mila clipse toutes les fournitures qu'elle trouve pour fabriquer une armure de briques et de broc à Gustave. L'ours ne perd pas une seconde et confectionne un puissant somnifère à l'aide de ses plantes. D'un côté, John et Johnny se ruent vers eux. De l'autre, une escouade de gros bras se rapproche au pas de course. Mila et Gabriel poussent le bureau monté sur roues de toute leur force et font une percée dans les rangs adverses. Juste dessus, Gustave endort les hommes de Brownie à tour de bras. Les malheureux tombent comme des mouches. Mais des dizaines de leurs collègues surgissent de partout. Le bureau bélier fonce dans tous les sens pour se frayer un chemin jusqu'à atteindre la cage d'escalier qu'il dévale à toute vitesse. Lorsqu'ils arrivent au rez-de-chaussée, le véhicule improvisé a perdu ses roues et s'échoue au milieu du hall. L'armure de Gustave est en miettes et les déguisements portés par Gabriel et Mila sont en lambeaux. La sortie est sous leurs yeux, mais elle est verrouillée. Gabriel voit le réceptionniste, la clé dans une main, leur lancer un sourire mauvais. Trop tard, Brownie et ses hommes les encerclent déjà. Oh, cette fois, je crois qu'on est fichus. Je m'en occupe. Gabi, non! Le garçon se jette sur Brownie, mais l'un des gardiens l'empoigne par le col. C'est bon, on se rend. Bien. Donnez-moi vos deux morceaux de la notice. Tenez. Enfin, je vais être l'archéologue le plus célèbre de la planète. Autour d'eux, éprouvés par la course-poursuite, l'immeuble tremble. Le sol se fissure, les tableaux accrochés au mur tombent et des bouts de plafond se décrochent. Alors que tout le monde panique, Brownie assemble les trois parties de la Grande Notice. Ne vous inquiétez pas, avec ça je vais tout réparer. Alors, quoi ? Mais pourquoi je ne comprends rien ? C'est illisible ce truc ! Brownie, seuls les deux enfants dont parle la prophétie peuvent déchiffrer ce parchemin. Quoi ? Mais non, non, oh non, c'est impossible ! Le plafond s'affaisse de plus en plus. Les vitres se brisent et la porte d'entrée vole en éclats. Les gardes se précipitent dehors et Gabriel en profite pour sauter dans les bras de sa sœur. Devant son incapacité à lire la Grande Notice, Brownie est dévasté. Gustave l'attrape par le col pour le faire sortir du bâtiment avec l'aide des enfants. Dehors, tous les Gauville regardent l'édifice tangué. Ils se balancent tellement qu'ils menacent de s'écrouler d'une seconde à l'autre. Monsieur Brony, si vous nous prêtez la grande notice, on peut encore faire quelque chose. J'étais sûr de pouvoir y arriver. Donnez-la nous, on va essayer. Les yeux dans le vide, Brony tend le parchemin à Gabriel et Mila. À leurs yeux, la formule est claire comme de l'eau de roche. En cœur, ils la prononcent. D'un coup, la grande notice crépite, s'illumine, avant qu'une vague de magie ne se répande dans tous les Gauville. Sans plus attendre, les enfants dirigent les ouvriers de fortune. Voisins, animaux et commerçants s'activent tous ensemble pour stabiliser la construction. Même Brony se retrousse les manches. Une brique par-ci, une brique par-là. Grâce à cet effort commun, l'immeuble cesse de trembler. Mieux que ça, il est plus solide qu'avant. Les habitants de Legoville crient de joie et se prennent dans les bras. Avec un sourire béat, Lord Brony rejoint Gabriel et Mila. Les enfants, je crois que vous avez réveillé quelque chose en moi. Oh, des pyramides, des temples, des amphithéâtres. Oh, j'ai envie de construire toute ma vie maintenant. Quelques semaines plus tard, le monde a déjà bien changé. Les cafetières font du café sans bulles, les escaliers s'arrêtent de s'effondrer et les bateaux naviguent sans finir 6 pieds sous mer. Devant leur maison, Mila et Gabriel disent au revoir à Gustave. Sylvia Ratavia, la grande voyante, est là elle aussi. Tu vas rentrer dans ta forêt maintenant ? Pas tout de suite. Je crois que je vais faire un bout de route avec Sylvia. Maintenant que ma roulotte est d'aplomb, je vais enfin pouvoir voyager. Mais vous reviendrez nous voir. Évidemment. À très bientôt, les enfants. Mila et Gabriel les regardent s'éloigner avant d'aller s'écrouler dans leur lit, encore épuisés par cette fantastique aventure. Mais le sommeil est de courte durée, car s'il y a bien une chose que les habitants n'ont pas souhaité réparer, ce sont les haut-parleurs de Legoville. Voilà, c'est la fin de notre série créée avec Lego. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais avez-vous bien écouté ce dernier épisode ? Car j'ai une question pour vous. En quoi se déguise Gustave ? En diva ? En homme de ménage ? En archéologue ? Rendez-vous sur le compte Instagram des Petites Histoires pour me donner votre réponse et peut-être gagner des cadeaux Lego. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. À la recherche de la grande notice a pu voir le jour grâce à Lego. Thomas Le Petit Corps l'a écrite. Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Mathieu Genel l'a réalisé. Montage, création musicale et sonore, le Phonarium. Enregistrement, Abel Chéré. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.